pas les mots, je trouve pas les rimes, je trouve pas l'accord, je trouve pas le rythme, je trouve pas le style, je trouve pas le refrain, je trouve pas le début, je trouve pas la fin. Parler d'amour, c'est démodé. Parler de toi, parler de nous. Mais ça, je vois, tout le monde s'en fout. J'ai pas d'idée pour ma chanson. Dans ma page vide, je tourne en rond. J'ai pas une miette d'inspiration. Qu'est-ce que je peux dire dans ma chanson? J'ai rien trouvé. Ça fait un mois, ça fait un an. Qu'est-ce que je peux bien faire maintenant? Quand j'écrirai pas de chanson, chez vous insister à quoi bon? Bon, ce coup-là, c'est décidé. Je pose mon stylo, je laisse tout. Franchement, j'aurais bonne mine, chanter tout seul dans ma cuisine. Non, ça c'est pas me calmera de vous chanter n'importe quoi. Je trouve pas les mots, je trouve pas les rimes, je trouve pas l'accord, je trouve pas le rythme. Je trouve pas le style, je trouve pas le refrain, je trouve pas le début, je trouve pas.